Si je comprends bien, la mise en initiation, ce n'est pas un passage obligé. Comment l'éviter? Ben, en intégrant. En intégrant à mesure de plus en plus. Mais ça, il y en a que c'est un passage obligé, je pense. Parce que sinon, la personne va être en stase. Mais ce que je dis, c'est que de. Comment je pourrais dire ça? Il est possible d'intégrer au niveau de brûler une subjectivité à mesure avant d'être dans un mouvement de mise en initiation. Mais pour ça prend énormément de capacité à transmuter par des chocs au lieu d'entrer dans un mouvement d'un succès. Tu sais, le choc, ça dure pas longtemps, ça. Puis s'il y a un blocage, là, il va y avoir une. Donc, mais c'est du cas par cas. Comment l'éviter? Vous savez, il n'y a pas de recette. Donc, ça devient difficile.